bon. Alors c'est ça le son qui fait danser. C'est dans ces rythmiques cadencées qu'on voit s'élancer les têtes quand c'est bon. C'est qu'on a bien séquencé. Ouais, je compose, ce qu'on pose, c'est des pures phases condensées. On se la pète, trop peu peut-être, on a tâté le terrain. Pas là pour casser des reins, juste pour baffer des terriens. C'est le son qui fout la merde. Non, bah je m'emporte alors. Tant pis, c'est toujours ça de prix quand je t'apporte de l'or. Bien sûr, en quête de résultats pour justifier de ma sueur et merde. En guest, un putain de stress, j'ai décidé de m'asseoir, sa mère. On a rien à foutre de votre politique. Prendre nos bulletins dans le cul, on tient un carreau, c'est juste pour l'éthique. Terminé, je me ferai plus manipuler devant mon LCD. Vos conneries, chaîne d'infos de BFM TV. Taillé d'ici avec dans le kiosque, la plume et le cahier. Tout écrit, j'encaisse plus, non, je veux plus me les cahier. Accélère et on se casse de seconde. Les barrières freinent, qui pas leur face. La seconde, à chaque projet, nous on place que les bombes. Peu importe le sujet, dès qu'on se met à plaire, on écrase tous les bombes. Sans desserrer les freins, ce sera toujours plus compliqué d'avancer. Sans lâcher prise, aucune piste te donnera le bon élan pour te lancer. Peu importe l'état des murs qui stressent et peu importe la taille des sillons. On meurt si on reste bloqué dans des illusions. Faut mieux savoir lâcher du lest au lieu de couler. Autant presser la détente en slow motion avant d'écrouler. Si tu restes collé à tes boulets, t'auras que des regrets, prends large et après tu sembleras un peu moins parti taré. Toujours en pole position pour amuser la galerie. Ouais, depuis petit peu, depuis l'école, sors la connerie pour gollerie. J'expose le réveil avec le bagardi, j'picole. Mec, t'étonnes pas, j'suis axe vraiment en marche comme l'autre bâtardi. Et ouais, j'me soigne de près pour éviter la tension. Réviser mes sons, j'm'éloigne d'art, j'voudrais que tout le monde se mette à danser. J'aime le rage, m'en bats les couilles qui viennent de tel ou tel bloc. J'viens plaquer la vie à la force d'un all black. Accélère et on se casse de seconde. Les barrières freinent, n'y quittent pas leur face. La seconde, à chaque projet, nous on place que les bombes. Peu importe le sujet, dès qu'on se met à plaire, on écrase tous les ponts. Accélère et on se casse de ce monde. Les barrières freinent, n'y quittent pas leur face. La seconde, à chaque projet, nous on place que les bombes. Peu importe le sujet, dès qu'on se met à plaire, on écrase tous les cons. Yeah, s'il y a trop de cheveux sur mon casque, on les tond. Elle ou elle sous le maquillage, nous on démasque les tons. Rap est mort, tu fais que des places et les tombes. De l'eau a coulé sous les ponts, alors depuis j'ai passé l'éponge. Si ça part en riche, je me déconnecte tranquille. J'aime les blèmes tranquille. S'emmerde les autres pour être honnête, gentil. Les verres de trop, mais sous ordonnance médicale. Une fois le mois de passé, je n'attends plus que la prochaine période estivale. Ne rien branler, ça me plaît. Ici, je fais les 100 pas, je veux du soleil, la Méditerranée. Le cadre m'a l'air sympa. Je m'interdis de me vénère, je tente de me l'injecter. Je suis dans une nouvelle ère depuis que j'ai eu le cœur infecté. Accélère et on se casse de seconde. Les barrières freinent, n'y pas leur face. La seconde, à chaque projet, nous on place que les bombes. Peu importe le sujet, dès qu'on se met à plaire, on écrase tous les cons. Accélère et on se casse de seconde. Les barrières freinent, n'y pas leur face. La seconde, à chaque projet, nous on place que les bombes. Peu importe le sujet, dès qu'on se met à plaire, on écrase tous les cons. We'll be right back.